La Corée est adhérée aux accords de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, comme la Convention de Genève de 1999 pour l'inscription internationale du dessin industriel et l'accord de Singapour sur le droit de marque. Les dossiers d'adhérents ont été présentés le 13 juin de l'an 105 du 2016 au consignateur, directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Selon les règlements d'adhésion aux accords de l'Organisation, les dossiers de notre pays entreront officiellement en vigueur le 13 septembre 2016, 3 mois après la demande d'admission.